C'est pas fini, j'écris sous la lune, dans la Lamborghini. J'claque pas ma thune pour voir des filles en bikini. Une mère on en a qu'une, la mienne je l'aime à l'infini. Tu veux que ton charbon y pète, faut que tu rabattes. Le petit sel y guette, il rentre à patte. Faut faire le bec, alors rien que ça gratte. Nouveau survêt, nouvelle mine, tu me fais le mec. J'arrive en Y, là j'suis en deux. J'esquive la break, ils veulent me quiller. J'suis vers l'évêque, j'recharge en bœuf. J'm'en bats les steaks, j'veux pas briller. J'vois les gens qui tournent leur veste, revenir comme si de rien n'était. Et l'hiver y'a plus des gars, alors que tu les vois tout l'été. Les profiteurs, les mangeux buzz, je les vois à des kilomètres. Mais j'suis gentil, je dis rien, ils vont pas s'en remettre. J'suis comme un autre, mais j'suis pas tant pâte. Caprice and vodka, j'en fous les mots. J'en fous les motards. Me veut une bonne guerre qu'une mauvaise paix. Et on verra qui va rester. T'es bizarre, j'te sens complexé. À peine j'ai un truc, je te sens vexé. Ils peuvent enquêter, j'fais que des TP. Et en mandat dépôt, y'a des survêtes d'épée. Des mamans qui pleurent, qui sont endettées. La sortie c'est sûr, faut pas s'inquiéter. J'suis au volant, tu me reconnais. Quand j'passe dans ton quartier, j'entends mon nom, ah ouais ouais ouais. J'sens la beuh et le parfum quartier. Élève ton cross, élève ton traceur. Y'a les képis là, il faut qu'on trace. J'ai pas d'assurance, pas de carte grise. Et le fils, faut que j'me taille en graisse. Tu veux tester, tu m'aimes pas en tendance. J'suis pas jaloux si le mec j'l'aime pas, mais qu'il a fait un bon son, ouais t'as, j'danse. Qu'est-ce t'en penses? J'me sens mal en France. J'le vois quand t'as fait le trait, tu te sens mal en face. J'comme un autre, j'suis pas tant pâte. Caprice and vodka, j'en fous les motards. Tu m'enfonces à Alphonse alors qu'on se connaît depuis l'enfance. Tu dis aux gens que tu es bizarre, tu me l'as jamais dit en face. Je connais des gens, ils ont des sous, pourtant ils ont pas de métier. Sac un taf dans la voiture, oh les gars qui sait qui pue des pieds. Que des temps pleins, ouais, que des temps pleins, ouais. Que des temps pleins, ouais, que des temps pleins, ouais. Que des temps pleins, ouais, que des temps pleins, ouais. Ah ah ah. J'en fous les motards. J'suis comme un autre, j'suis pas tant.